Seconde Corinthiens chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde que nous avons reçue, nous ne nous relâchons point. Mais nous avons entièrement rejeté les choses honteuses que l'on cache, ne marchant point avec ruse, et ne falsifiant point la parole de Dieu, mais nous rendant approuvés à toute conscience des hommes devant Dieu, par la manifestation de la vérité. Que si notre évangile est encore voilé, il ne reste que pour ceux qui périssent. Desquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les entendements, c'est-à-dire, des incrédules, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu, ne leur resplendit point. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Car Dieu, qui a dit que la lumière resplendit des ténèbres, est celui qui a reluit dans nos cœurs, pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu, qui se trouve en Jésus-Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vaisseaux de terre, afin que l'excellence de cette force soit de Dieu, et non pas de nous. Étant affligés à tous égards, mais non pas réduits entièrement à l'étroit, étant en perplexité, mais non pas sans secours. Étant persécutés, mais non pas abandonnés, étant abattus, mais non pas perdus. Portant toujours partout en notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en notre chair mortelle. De sorte que la mort se déploie en nous, mais la vie en vous. Or, ayant un même esprit de foi, selon qu'il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous croyons aussi, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par Jésus, et nous fera comparaître en sa présence avec vous. Car toutes choses sont pour vous, afin que cette grande grâce abonde à la gloire de Dieu, par le remerciement de plusieurs. C'est pourquoi nous ne nous relâchons point, mais quoique notre homme extérieur se détruise, toutefois l'intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère affliction, qui ne fait que passer, produit en nous un poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Quand nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternelles.